déjà parlé bas haut, mais ou pas te vrai écouter. Dis des petits mots doux pour l'amour est point d'ouvant. Des mains qui viennent plus belles si ou reconquérir qui aille. Des mains qui est plus belle si ou fait sauf que ou aimé. J'en dis ailleurs, mais à dans tes tailles, tes chapeaux décision. Il pas t'épée encore, il pas t'y chercher la vie. Tendresse et l'amour, qu'est ou pas t'épée porter. L'amour pas te jamais cassé. Depuis bon matin là où qu'a cherché en toute la rue au laïe. Il bien trop tard, j'en dis où peque tout veille. Si où t'es là, le y te besoin. Si vous préparez pour nous vêt, vous t'es que vous met pour l'amour pas cassé. Si vous préparez pour lever, vous t'es que vous met pour l'amour. Si vous préparez pour nous vêt, vous t'es que vous met pour l'amour pas cassé. Il te plaît, plus l'amour, tendresse et passion. Il te plaît. Affection et complicité. À présent, ou qu'a trouvé la vie pour vous, pas ni bon sens. Si on y a une deuxième chance, pas laisser passer.